Show. Jésus, c'est le moins en bord qui j'ai c'est au seul qui tout droit fut moi, c'est en bord seul moi le mourut. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins en bord qui j'ai c'est au seul qui tout droit fut moi, c'est en bord seul moi le mourut.